Métier de nuit, de Andrei Kourkov. Adaptation Julie Guichard. Réalisation Pascal Deux. Dixième et dernier épisode. Fable politique et chimérique, où des dizaines de vies se croisent dans les recoins de l'hiver ukrainien, le laitier de nuit termine sa route. Le mariage d'Irina et Yegor s'organise. Dima, lui, subit une séance d'hypnose. Le but, lui faire oublier l'histoire des ampoules mystérieuses. Rentré chez lui, il découvre qu'il n'a rien oublié. Et il apprend aux actualités qu'une attaque sanglante à coups de griffes a eu lieu dans son quartier. Semyon, à peine réchappé de sa noyade nocturne, allume son dictaphone et écoute l'enregistrement de la nuit passée. Il découvre qu'on l'a poussé à se tuer. Daria enterre son mari et Véronica se prend à vouloir un enfant. Semyon appelle Gennady Ilitch pour récupérer le bébé abandonné, mais ce dernier a disparu. Lancé à sa recherche, Semyon découvre qu'un certain Yegor l'a emmené. Ainsi, mes histoires continuent. Chaque cœur accélère son tic-tac, nous renseignant sur l'état des âmes. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. En prenant Yegor en filature, Volodka et Semyon traversèrent plusieurs villages. Garde-toi là, pas trop près. La Mazda se gara finalement contre une palissade de bois dans le village de Lipovka. Le portillon de la cour n'était pas fermé. Semyon entra. La silhouette d'une femme se dessina un instant dans l'encadrement. Semyon retint son souffle. Des pleurs d'enfant s'élevèrent si proches qu'il sursauta. Il se sentait en proie à une hésitation grandissante. Tout de suite, je finis de nourrir Yassia. Les gants, mon chéri, ça fait du thé. Tu vas nourrir Marina, elle pleure. Les voisins risquent d'alerter la milice. Oh, Kadir, c'est ma gosse. Je pense qu'on est venu s'installer chez toi. Et quant au papier, on trouvera bien quelque chose. Rassure-toi. L'expression dit jamais 203, le troisième, ça sera le nôtre à tous les deux. Quand ces deux-là, là, commenceront à galoper, tiens. Je suis épanouie quand même. Alors. Les images et les sons qui défilaient devant Semyon ressemblaient à un monde uni et clos dans lequel il n'avait ni le droit ni le désir de s'introduire brutalement. Semyon était arrivé là parce qu'il recherchait une petite fille abandonnée sur les marches du Parlement. Il avait retrouvé l'enfant, il l'avait vu, il l'avait entendu. Mais ce n'était pas à lui que la fortune avait souri. La fortune avait souri à ce Yegor. Que pouvait-il faire ? Frapper à la porte et exiger qu'on lui rende l'enfant ? Non, il fallait imaginer autre chose. Semyon laissa cette belle scène de famille et rejoignit Volodka. Je te ramène chez toi ? Non, conduis-moi à la maternité de Bortchakovka. Et de là, je me débrouillerai tout seul. Ok, c'est toi le patron. Borispol, rue du 9 mai. Ce matin, Dima acheta 3 journaux, puis s'en retourna chez lui. Il s'installa au soleil, à la table de la cuisine. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il découvrit la manchette du courrier de Kiev. Nouveau rebondissement dans l'affaire du sauvage assassinat en centre-ville. Une jeune femme s'est présentée à la milice pour témoigner des faits suivants. Comme elle rentrait tard dans la nuit, après une soirée passée chez des amis, un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu, est accouru vers elle. Il l'a empoignée par le bras et l'a plaquée contre un mur, en brandissant un couteau de l'autre main. Elle s'est mise à crier, à appeler au secours, et à cet instant, un chat bondit sur l'homme. De quelle couleur était-il ? Elle ne l'a pas noté. Il faisait noir. Mais l'animal a planté ses crocs dans la gorge de l'individu. Du sang a jailli aussitôt de la blessure. Le type a lâché le bras de la jeune femme, qui s'est enfuie à toutes jambes. Il lui a fallu 2 jours pour se remettre de l'incident. Mais quand on a montré le corps à la télévision, elle a tout de suite reconnu son agresseur. C'est pas possible. Mourik. Région de Kiev. District de Makarov. Village de Lipovka. À 10 heures, Yegor, Irina et sa mère montèrent dans la Mazda avec les enfants et roulèrent jusqu'au bistrot. Les invités commencèrent à arriver par groupes. La mère d'Irina plaça les jeunes mariés dans l'entrée pour qu'ils y recueillent cadeaux et bons vœux. Regardez le joli passeport de mon Irina. Il est tamponné par le bureau de l'état civil. Bravo, félicitations. Après 4 toasts et 3 embrassez-vous, l'ambiance se morcela. Les invités buvaient et mangeaient avec entrain, mais si l'on portait un toast, c'était à présent entre soi. Yegor, après un regard échangé avec Irina, comprit qu'ils pouvaient tous les deux s'éclipser discrètement. Kiev, rue Reiterskaya. Semyon effectuait la transaction la plus réjouissante et la plus amorale de sa vie. Il était assis dans la voiture d'un médecin accoucheur prénommé Valentin. Celui-ci se pencha par-dessus le dossier de son siège et remonta de la banquette arrière un bébé enveloppé d'une épaisse couverture. Il souleva un coin du plaid, découvrant un minuscule visage. Regardez, en pleine santé, mais très régulier, aucune pathologie. Et la mère? Une godiche de 18 ans, une étudiante. Elle a signé une déclaration d'abandon. J'ai gardé le document, je connais son adresse, il n'y aura pas de problème avec elle. Voilà le formulaire pour obtenir le certificat de naissance. Vous inscrirez vous-même le prénom et le nom de famille. Tenez. 2000 dollars comme convenu. Merci. Je vous dépose pour que la petite prenne pas froid. Merci. C'est elle? Oui. Notre bébé. Oh, c'est mignonne. Semyon observait à présent l'enfant dans les bras de Véronica quand tout à coup, il se sentit gagné par une délicieuse sensation de fatigue. Il lui restait encore une tâche à accomplir. Téléphoner à Gennady Ilitch. Je l'ai retrouvée. Parfait. Et ta femme, elle s'en sort bien avec la petite? Oui. Bah oui, il faut qu'on s'équipe, bien sûr, qu'on trouve un berceau, un landau, enfin, on verra tout ça demain. Bon, n'achète rien toi-même, Semyon, je m'en occupe. Et ce soir, on arrosera ça. D'accord. Vassia, le chauffeur du député, vint prendre Semyon vers 7h du soir pour le conduire dans un restaurant argentin. Gennady Ilitch l'attendait. Devant lui trônait une bouteille ouverte de Hennessy Pure White et 2 verres. Il servit du cognac à son invité. Tiens, Semyon, à ta paternité. Voilà le certificat de naissance. Tu inscriras toi-même le prénom et le nom de famille. Et tiens, le plus important, une carte de crédit pour les dépenses. Un gosse de nos jours, c'est pas un plaisir bon marché. Une carte de crédit? Cadeau du parrain. C'est vrai que je t'ai pas dit le plus important. Je serai le parrain. Je me charge aussi de dégoter une marraine. Nous ferons le baptême dans mon église pour qu'il n'y ait pas trop de trajet jusqu'à la table du banquet. Dis-moi, tu lui as déjà choisi un prénom? Ouais, Marina. Marina? Eh ben, tu as l'imagination plutôt pauvre. Bon ben, si c'est Marina, va pour Marina. À notre Marina, qu'elle grandisse en intelligence et en beauté. Borispol, rue du 9 mai. Dima alla se changer pour passer des vêtements sombres et discrets. Il plaça une pelle pliante dans un cabas et sortit de la maison. Une demi-heure plus tard, il arpentait l'allée centrale du cimetière de Baïkovo. Bientôt, il s'arrêta devant les bustes des 2 valeureux officiers. Il fixa le petit tertre funéraire coincé entre les 2 tombeaux massifs. Touchant la terre nue, il remarqua soudain que l'arrière de la tombe s'était comme affaissé. Dima contourna la dernière demeure de Mourik pour y découvrir un trou de la taille de 2 poings. La fosse peu profonde était vide. Il remarqua sur la pierre tombale une soucoupe où traînaient des restes de poissons crus. Dima se releva et regarda autour de lui décontenancé. Qu'est-ce que... C'est lui? C'est mon Mourlot. C'est lui qui a sauvé cette femme. Il faut le retrouver. Le retrouver et le ramener à la maison. Dimas se dirigea d'un pas alerte vers la sortie. Il savait ce qu'il avait à faire maintenant. Une fois rentré à Boryspol, il passerait prendre Valia à son boulot et la raccompagnerait à la maison. Puis, quand elle serait endormie, il lui laisserait sur la table de la cuisine un petit mot pour expliquer son absence temporaire et s'en irait prendre le dernier minibus à destination de Kiev, où par les rues et les cours errait son chat, amaigri et ensauvagé. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. Vers 11h, une Mercedes noire s'arrêta devant la barrière de la maison où Irina venait juste de donner le sein aux deux fillettes. De la Mercedes descendirent une jeune femme bien habillée et deux hommes en blouson de cuir noir. La femme se pencha et sortit de l'habitacle un énorme bouquet de roses. Vous êtes Madame Koval ? Oui. Posez ça là. Les deux gars déposèrent boîtes et paquets sur le plancher. Et attendez-moi dehors. Et après avoir salué de la tête, se retirèrent sur le perron. Madame Koval, ces cadeaux sont pour vous, de la part de notre collectif. Des roses de Colombie. Et voici une lettre, très importante. Ah. Lisez-la, s'il vous plaît, sans attendre. Oui. Chère Madame Koval, l'Assemblée générale de la Société anonyme Les Collines des Catacombes a pris la décision de juger insatisfaisant et même inacceptable le style et les résultats de travail de la précédente direction. La directrice Nelly Gorevna Sarmatova a été licenciée sans versement d'indemnité. En signe de volonté de notre part de reconnaître et réparer nos torts, nous vous offrons une action nominative de la société. Et vous invitons à reprendre votre collaboration, t'entends ça, maman ? Oh oui, oui. Le prix d'achat du lait se verra triplé à partir du 1er avril. Les frais de transport feront l'objet d'une compensation particulière. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez aussi recruter pour notre entreprise de nouvelles donneuses de lait maternel. Pour chaque nouvelle recrue, nous serions heureux de vous verser une prime d'un montant de 1000 hryvnia. 1000 hryvnia ? Acceptez également en témoignage d'estime les modestes cadeaux qui accompagnent cette lettre, avec le sincère espoir que vous accepterez de travailler de nouveau avec nous, Olga Ivanovna Plachenyuk. Tenez, s'il vous plaît, signez. C'est un reçu pour les cadeaux et les fleurs. Nous avons une comptabilité sévère maintenant. Et Vera, l'infirmière, elle est toujours là ? Non. Elle est morte dans un accident de voiture. À présent, il n'y a plus que des jeunes. La Mercedes repartit. Irina se remémora alors l'hiver enfui, le gruau d'avoine sucrée, Vera l'infirmière et le parc Mariinsky. Il lui vint un sentiment doux amer, comme si tout cela appartenait à un lointain passé. Kiev, rue Streletskaya. Véronica découvrit avec précaution la figure du bébé. En remarquant avec quel intérêt passionné Daria la détaillait, elle sentit naître en son cœur une vraie fierté de mère. Elles marchèrent tranquillement jusqu'au coin de la rue et s'arrêtèrent devant la couronne mortuaire. Daria Ivanovna tendit les deux mains vers l'objet et le décrocha de son clou. Puis les deux femmes se séparèrent. Daria Ivanovna tourna dans la rue Bekhterevsky. Ses jambes se dirigèrent d'elles-mêmes vers la porte du petit appartement où exerçait Piotr Isaïevitch Naïtov. Quelque chose vous préoccupe ? Oui, j'ai récemment enterré mon mari. J'apprends à vivre seule. Mais une chose m'embarrasse. J'ai le sentiment que mon mari n'est pas mort, qu'il est quelque part, tout près. Ce sentiment n'est pas pesant pour vous, n'est-ce pas ? Non, il est resté à la maison, même mort. On lui avait fait une sorte d'embaumement, vous voyez ? Le jour, il était là, assis dans son fauteuil, mais la nuit, il lui arrivait de sortir. Et le lendemain matin, il était de nouveau dans le fauteuil. Seulement, les semelles de ses pantoufles étaient sales, et il y avait des traces de pas dans le couloir et dans le salon. Après ça, je l'ai fait enterrer normalement. Si je comprends bien, votre mari était somnambule. Le somnambulisme pousse aussi les morts de fraîche date à sortir dans la rue. Ah ? Racontez-moi, s'il vous plaît, votre première rencontre avec votre mari. C'était une nuit. Je revenais de chez une amie qui fêtait son anniversaire. J'avais 18, 19 ans. J'étais un peu pompette. Je marchais dans la rue et un type m'a abordé, très collant. À un moment, il m'a empoignée par le bras et a cherché à m'entraîner de force. Je me suis mise à crier. Et là, quelqu'un est arrivé. C'était un jeune gars. Il courait, et tout en courant, il regardait ses mains. Dans ses mains, il y avait un couteau de poche qu'il a déplié. Alors le type m'a lâché et s'est jeté sur le garçon. L'autre lui a collé un coup de couteau dans le bras et dans le ventre. Le type a poussé un hurlement. Le garçon m'a prise par la main et il m'a dit qu'il fallait filer. Nous avons couru jusqu'au marché. Là, nous avons repris notre souffle et il m'a dit qu'il s'appelait Edic. Il vous a raccompagné chez vous ? Non. On est allé chez lui. On est sorti sur le balcon. Il avait un télescope. Il m'a montré les étoiles et la lune. Poursuivez. Il disait que des signes secrets avaient été tracés sur la lune spécialement pour les terriens. Il les cherchait avec son télescope et les recopiait. Il disait que si on parvenait un jour à les déchiffrer, on pourrait rendre l'humanité heureuse, qu'on vivrait deux fois plus longtemps et qu'on n'aurait plus besoin de dormir, car on ne serait plus jamais fatigué de la vie. Votre mari était un homme singulier. Un grand silence régnait soudain dans le cabinet. Le psychiatre s'approcha du divan et vit que Daria Ivanovna s'était assoupie. Il quitta la pièce sur la pointe des pieds. La ville dormait quand elle se réveilla. Sur quoi elle rentra chez elle, habitée par un tout nouveau sentiment. Brusquement, Daria Ivanovna trouvait du charme à ses rues plongées dans la nuit. Et soudain, quelque part, tout près, peut-être dans l'une des cours avoisinantes, retentit le cri perçant d'un chat. Daria Ivanovna s'immobilisa, pétrifiée. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. Aux premières heures de l'aube, alors que Volodka le raccompagnait chez lui, Semyon avait repensé à Yegor. Il décida qu'il était temps de faire la connaissance de ce personnage. Il glissa dans un sac le formulaire de renseignement de la maternité remis par le médecin accoucheur, puis sortit dans la rue et monta dans le premier taxi qui passait. Juste devant la maison d'Irina, Semyon aperçut à sa grande joie la Mazda rouge garée contre la barrière. Yegor ? Oui ? Et vous, qui êtes-vous ? Semyon. J'ai besoin de vous parler. Entrez. De quoi s'agit-il ? Tenez. C'est un formulaire de renseignement délivré par la maternité. Remplissez-le au nom de Marina. Ce papier vous permettra d'obtenir le certificat de naissance. Il faudra peut-être y ajouter une cinquantaine de dollars pour l'avoir, je sais pas. Je comprends pas. On m'a demandé de retrouver Marina. C'est ce que j'ai fait, mais je l'ai dit à personne. Elle peut rester avec vous. Qu'est-ce que je vous dois ? Rien. On m'a dit que si je la retrouvais, je pourrais l'adopter, mais j'ai déniché un autre bébé. Une petite fille, qui s'appelle aussi Marina. Tout est en ordre. D'accord. Merci. Semyon, J'ai oublié de vous demander, comment vous faites pour le lait? Vous lui donnez du lait maternel? Pour l'instant, non. On lui file du lait en poudre. C'est pas bon de nourrir un bébé uniquement au lait en poudre. Mon Irina en a trop, elle peut partager. Je serai demain au travail, je prendrai ce qu'il faut avec moi. Soyez à 10h sur la place du Belvédère, près du palais Marinski. On ira boire un café. Octobre dorait le feuillage des arbres de la capitale. Au cours des 6 derniers mois, Yasia et les deux Marina avaient bien grandi. Semyon et Yegor, durant leur temps libre, se voyaient régulièrement avec femmes et enfants et aux heures de travail se retrouvaient pour boire un café et discuter des dernières nouvelles de la vie politique ukrainienne. Lors des élections législatives anticipées, une nouvelle force démocratique avait remporté la victoire. Le parti pan-ukrainien de l'ambassade de la Lune, dirigé par l'ancien psychiatre Piotr Isaïevitch Naïtov. En troisième position sur la liste du parti figurait Daria Ivanovna. En cinquième position, Gennady Ilitch. À sa première session, le nouveau Parlement avait pris la décision de passer à un régime de fonctionnement nocturne et d'abolir tous les avantages et privilèges dont jouissaient les députés. Le peuple avait poussé un soupir de soulagement. Le peuple aimait que les hommes politiques travaillent à présent la nuit, pendant que les gens normaux dormaient. Dima et Valia, quant à eux, s'étaient installés dans une gargote, à Saratov. Sous la table, les deux mouriques achevaient une queue d'esturgeon grillée. Le long voyage qu'ils avaient fait ensemble, à moins que ce ne fût la soudaine abondance des poissons de la Volga, avait réconcilié les deux chats. Mais seul l'un d'eux passait toutes ses nuits à la maison, dans la cuisine du petit de pièces. Le second, le préféré de Dima, sortait la nuit crapahuté en ville avec la permission de son maître. Dima, qui regardait sa femme enceinte, esquissait un sourire songeur et se prenait souvent à méditer au bonheur qui les attendait. C'était « Laitier de nuit » de Andrei Kourkov. Avec Sophie Doll, Frédéric Pierrot, Olivier Clavry, les narrateurs. Et Clara Noël, Émeric Le Serre, Fabrice Pierre, Valérie Moinet, Robinson Stévenin, Emeline Bayard, Olivier Creveillé, Luce Mouchel, Marie Daude, Myriam Derbal, Paul Janson, David Gouillet, Amanda Langlais, Élodie Vincent, Ariane Blaise, Damien Le Délésir, Farid Bouzenade, Christine Braconnier, Pierre Carbonnier, Christophe Audan, Laurent Lederer, Bruno Abraham Kremer, Cyril Botorel, David Mallet, Garance Le Bars, Sylvain Gauthier et les voix de Jean Ocotrel et Pauline Moulaine. Musique originale, Damien Salençon. Violon, Claire Bussel. Accordéon, Jean-Pierre Ménager. Contrebasse, Emmanuel Camus. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrier. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Emmanuel Arming. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Pascal Deux. Laitier de nuit, de Andrei Kourkov, traduction Paul Lequen, est publié aux éditions Liana Lévy. Chaleureux remerciements à Félix Blum.